ici à Igliville, tous en tic, tous dandis, comme les héros d'Igliville. Nos héros, ils s'amusent tous ensemble, ils travaillent tous ensemble, viens voir les héros d'Igliville. Ubiwen, Twinkle, Tip et Frap font des bons sautis. Bientôt ils verront de vrais héros en pleine action. Oui, ici à Igliville, on saute et on se dandine comme les héros d'Igliville. On va tous travailler, rire et bien s'amuser avec les héros d'Igliville. Ensemble on va jouer à quelle belle journée avec les héros d'Igliville. À Igliville, on saute et on se dandine comme les héros d'Igliville. On va tous travailler, rire et bien s'amuser avec les héros d'Igliville. Ensemble on va jouer à quelle belle journée avec les héros d'Igliville.